Ève, mère de la terre, écoute ma prière. L'ombre de la folie plane autour de la vie. Les villes conquistadors te tiennent en s'épuise, n'est plus un bien commun, devenu marchandise aux mains de quelques-uns. Ce droit universel a plein de de rire lumineux. Viens tarir ma peine, ramène-moi dans l'Éden. Car toute l'espèce humaine se fanera à jamais. Viens-toi.